Histoire numéro 6, Jehiel au pouvoir. Donc, nous parlons de mon aimé Jehiel. Je vous expliquais que les Allemands l'avaient nommé maire de notre bonne ville de Kruchnik. J'avais aussi précisé que son règne ne durerait que le temps qui sépare la Saint-Sylvestre du jour de l'an. Pourvu que la diaspora ne dure pas plus longtemps. Je nous en souhaite autant, à vous et à moi. Je ne vous dis pas ça pour me vanter, mais parce que nous, les Juifs, nous savons faire tourner la boule du temps. Ah, si le monde avait la bonne idée de nous laisser le mener, quelle bonne mine il ferait. Prenez cette brave Pologne, par exemple. N'est-ce pas qu'il n'y en a pas deux comme elle sur terre? Vous savez comment les Polonais se battaient les uns avec les autres pour les charges honorifiques, même bien avant le temps du roi Sobelski. Ils ne pouvaient arriver à s'entendre sur l'identité du chef. Alors ils ont tiré la chose au sort, vous suivez? Le premier qui entrerait dans la ville deviendrait roi. Le sort tomba sur un juif, un dénommé Saül Wohl, qui entra en ville le premier. Que faire? Tout est perdu. Alors le voilà roi. Mais son règne dura juste le temps qui s'écoule entre un atchoum et un à vos souhaits. Cependant, cela suffit pour que la Pologne en ait gardé un souvenir si émouvant qu'on en pleure encore aujourd'hui. Mais eux, ils crevaient de jalousie de voir un Jehiel roi, vous voyez? Sans ça, ils l'auraient canonisé, pour sûr. Pareil avec mon Jehiel. Il occupait les fonctions de maire de notre ville de Kruchnik depuis moins de 24 heures, qu'il établissait déjà de nouveaux règlements. Primo, il décide d'instaurer la paix entre les Goyim et les Juifs. Écoutez un peu ce dont est capable le fils de Jacob Bonhoeffer. D'abord, il réunit le rabbin et le rabbin en titre avec l'abbé, le curé et le diacre Panbetchewski. Il leur fait un sermon en polonais où il explique qu'on ne gagne rien à se disputer comme des chiffonniers et que la paix entre les peuples apporte à tous une bonne santé. Parce que, comme disent les sages, le monde repose sur la paix, vous suivez? Ils prennent tout ça tellement au sérieux que le curé et le diacre Panbetchewski embrassent mon Jehiel en l'appelant Moïa Kochana Jekiel. Et puis on tope là, en se jurant que dorénavant, il n'y aura plus entre nous que de l'amitié et de l'entente, plus de goyim, plus de juifs, Dieu préserve, plus la moindre trace de jalousie ni de haine, un point terminé. On effacera du vocabulaire tous les termes injurieux, comme jid-jid, bélis, flak, polak, cham, cochon, tout ça. On fixe que les termes Bélis et Jidjit seraient désormais remplacés par le vocable israéliti. Au lieu de flag, on dira pani dobrotze. Mais bon, messieurs, le terme cochon cédera de son côté la place à l'expression petit-fils d'Ésaü. Quant au boycott des Polonais contre les Juifs, mon Jehiel décrète que cela mérite une amende, laquelle il fixe à un montant variant de 3 à 25 roubles selon l'ampleur du délit, y compris l'emploi du terme boycott. L'idiot qui aura le malheur de prononcer le mot mettrait ses jours en danger. Bon, premier tour. Secondo, suivant les ordres du commandant allemand, il mobilise une garde, une sorte de milice civile, qui veillera en permanence de crainte que l'ennemi ne s'en prenne à Kruchnik. Comment s'y est-il pris, vous vous demandez? Comme un maître, deux goyim doivent monter la garde à côté de chaque maison, un le jour, l'autre la nuit. Maintenant, il faut éviter que le gardien de nuit ne s'endorme, parce que le Polonais, quand la nuit arrive, lui, il ronfle. Alors il met en faction un juif sur 10 goyim, comme superviseur. Les juifs, comme vous savez, ils s'y entendent à mettre l'œil. Après quoi, il décrète un impôt sur la farine, le sel, le thé et le sucre, obligeant goy comme juif à payer sa cotisation à l'allemand. Plus on est riche, plus on payera, vous suivez. Et le contraire aussi. Les mendiants n'auront rien à débourser. Alors moi, je m'adresse à lui. Jehiel, mon fils, tu as fait la paix entre les peuples. Tu as aboli le boycott. Tu as créé la garde civile, pas d'objection. Mais en ce qui concerne l'impôt, tu as fait une boulette. Qui donc va payer plus que ce qu'il ne doit? Et qui ne va pas se faire inscrire comme pauvre pour obtenir l'exemption d'impôt, hein? Surtout qu'ici, à Kruchnik, tout le monde est pauvre, va-nu-pied, vagabond, mendiant. Et comme j'avais raison. Si ce n'était l'Allemand qui a couru à son secours, on l'aurait mis en morceaux. Le premier arriva Panbetchewski. Il glisse à l'oreille du commandant que le Jidek qu'il a nommé maire a ramassé toute la maigre fortune des Kruchnikois et l'a cachée pour la refiler plus tard au Moscal, c'est-à-dire au tsar et à ses cosaques. Et il ajoute que les yeux de Bélis leur sortent des trous d'impatience de le voir revenir celui-là. La preuve en est, selon lui, qu'il n'y avait qu'à chercher dans les caves et dans les greniers, on verrait bien. Comme vous savez, les délateurs, on leur fait toujours confiance. Et voilà tous les Krouchnikois qui font une descente chez les Juifs. Et comme, de bien entendu, quand on cherche, on trouve. Ils dénichent des caves et des greniers pleins de bonnes choses. Chez l'un, on a trouvé de l'argenterie. Chez un autre, de la vaisselle de Pâques. Chez le troisième, on ramassait une bouteille de Vichniac. Chez machin, des vêtements de Shabbat. Chez un boucher, on a trouvé trois couteaux enveloppés dans un tissu fin et un matériau qui ressemblait à de la poudre à canon. Vous auriez vu la noce. Alors, Abby, on planque des armes à feu. C'est pour les Cosaques, hein? Il vaut mieux avouer tout de suite. Alors, le boucher, il ne sait pas où donner de la tête. Les couteaux, bon, ça fait partie du métier, mais pourquoi les cacher dans le grenier? Il avait peur de la mobilisation. Parce que quand le tsar commence à mobiliser, ça se termine toujours par un pogrom. Et la poudre à canon? Il éclate de rire. Ça, c'est de la farine, pour la circoncision. Ça fait cicatriser la plaie. Mais allez parler de circoncision un tordu qui n'a que les Cosaques dans la tête. Nous avons donc décidé de nous réunir, moi, le rabbin en titre, les sept notables de la ville et mon Jéiel. Soudain, nous sommes tombés dans une histoire qui n'arrive pas une fois tous les 10 000 ans. Je vous conseille de lui consacrer un numéro à part et de bien l'enregistrer sous votre plume. Il faut que les Juifs se racontent la chose de génération en génération et de père en fils. Ils doivent savoir qu'il y eut un jour une chose qu'on appelait la guerre, et un pays qui s'appelait la Pologne, et que le tsar l'occupait, et que l'Allemand a mis son dévolu dessus, et que tout le monde a nommé les Juifs bouc émissaire d'honneur, et que tous ceux qui avaient un Dieu dans son cœur a voulu se venger et se baigner dans notre sang. Vous m'excuserez, monsieur Cholem Aleichem, j'en ai le cœur brisé. Il faut que je m'arrête un moment.